Tu as vu le tableau d'affichage ce matin ? Oui, très drôle. Tu sais qui a mis ça ? J'aime beaucoup celui avec la classe surchargée. On dirait mes troisièmes. Ils sont 37. Un peu compliqué pour pratiquer efficacement une langue vivante. Ah oui, ils sont nombreux, dis donc. Moi, c'est l'idée de supprimer les notes que je préfère. Elles ne servent à rien. Je milite pour une école sans notes. Sans notes peut-être, mais il faut quand même gérer l'hétérogénéité dans les classes. C'est l'objectif de la pédagogie différenciée. Tu te souviens de ce que nous a expliqué l'inspecteur ? Dans un monde idéal, nous devons être capables de proposer des activités adaptées aux spécificités de chaque élève, comme sur ce dessin de la prof parfaite. Regarde celui du bonnet d'âne. Il est super ! À propos des punitions, tu connais Charline de la vie scolaire ? Elle m'a dit que la maîtresse de son fils le mettait au coin tous les jours. Tu te rends compte ? Moi, je suis contre les punitions, même en maternelle. Je préfère le dialogue. Bon, allez, finis la récré, c'est l'heure d'aller travailler.